devant sa face. Il proclamait voici les mains levées, prosternées devant l'agneau. Nous l'adorons, le célébrons, le magnifions et l'exaltons. Nous lui rendons toute la gloire et tout l'honneur dû à son rang. Lui seul fut jugé digne d'ouvrir le livre et les sept sceaux. Nous chantons. Louange, digne d'être magnifié, digne d'être célébré au siècle des siècles. Tu es saint, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Digne d'être célébré. Digne d'être loué, digne d'être chanté, digne d'être levé. Dieu, Dieu, Dieu est digne. Êtres autour du trône magnifie le Dieu excellent que tu es. C'est pourquoi ces 24 vieillards autour du trône jettent leur couronne et se prosternent devant toi, car en dehors de toi il n'y a point d'autre Dieu. À part toi dans le ciel et sur la terre, on ne pourrait trouver un Dieu puissant, glorieux, merveilleux comme toi. Tu es l'unique et le véritable. Il n'y a point ton semblable sur la terre. Il n'y a point ton semblable dans les airs. Non plus ton semblable dans le ciel, dans les eaux, dans les forêts, sur les rochers. Tu es l'unique et tu es le véritable. Tu es l'unique et tu es le véritable Dieu. Celui en qui j'ai mis toute ma foi. Celui en qui j'ai mis toute mon espérance. Toute ma confiance est en toi et en toi seul, l'Éternel. La confiance des hommes est trompeuse. Mais toi, tu ne trahis jamais. Mais toi, tu ne livres jamais. Mais toi, tu n'abandonnes jamais. Tu ne méprises pas, tu ne méprises pas. Mais tu sais aimer. Tu sais m'aimer comme je suis. Tu sais m'apprécier tel que je suis, Seigneur. Alors comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te chanter? Comment ne pas déposer ma vie à tes pieds et dire que tu es saint, que tu es saint, que tu es trois fois saint? En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Mon âme t'adore, mon esprit te célèbre, mon cœur t'honore, car tu es Dieu. Tout simplement, tu es Dieu, à jamais. Alléluia. Saint, Saint, Saint, Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint, Saint, Saint, Saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et au-delà de toutes choses, tu es Dieu. La terre le sait. Les nuages le proclament. La mer et tout ce que tu as pu créer, Seigneur, se prosterne devant toi pour dire que tu es Dieu. Se prosterne devant toi pour dire que tu es roi. Se prosterne devant toi pour dire que tu es saint. Se prosterne devant toi pour dire combien de fois tu es grand, Seigneur. Combien de fois tu es grand, Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, tu es Dieu? Tu es Dieu. Tu es Dieu. La terre entière témoigne. Tu es Dieu. Les vagues de la mer témoignent. Tu es Dieu. Les nuages et le ciel témoignent. Tu es Dieu. Éternellement, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Les rois de ce monde le savent. Tu es roi des rois. Toutes les monarchies le savent. Tu es les forts de ce monde le savent. Tu es roi des rois. Toute la création témoigne. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Roi des rois, tu es roi. Jésus, tu es roi. Tu es le roi des rois, tu es roi. Tu es le roi des rois, tu es roi. tu règnes au-dessus de tout, au-dessus de tout, tu règnes. Oh mon roi, tu es roi. Dans le ciel, sur la terre, dans mon cœur, tu es roi. Au-dessus de tout, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Oh, tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Alléluia. Confessons que tu es roi, tu Seigneur. Es roi, tu es et qu'il n'y a point d'autre roi que toi. Alléluia. Tu alléluia. Es roi, tu alléluia. Es roi, tu es roi, tu es roi, tu es tu roi, es tu roi, es roi. Et tu es le bon berger. Tu es roi. Et tu es mon bouclier. Tu es roi. Tu et es roi. Tu es le roi des rois. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi, oui mon roi. C'est à toi seul que je veux soumettre ma vie. T'appartenir est mon plus grand désir. Éternel mon Dieu, éternel mon roi. Prends-moi et fais de moi ce que tu veux. Le roi, c'est toi. Tu es roi, tu es mon roi. Les pans de ta robe remplissent ce lieu. Tu es roi, tu es roi. Nul ne peut te résister. Tu es roi, oui mon roi. L'univers entier se prosterne. Tu es roi, devant le roi des rois roi. Que tu es et t'adore. Tu es roi, tu es mon roi. L'univers entier se prosterne. Tu es roi. Devant le roi des rois que tu es et t'adore. Tu es roi, oui mon roi. L'univers entier se prosterne. Tu es roi. Devant le roi des rois que tu es et t'adore. Tu es roi, tu es mon roi. Se prosterne et t'adore. Tu es roi, tu es roi. Se prosterne et t'adore. Oui mon roi. Se prosterne et t'adore. Se prosterne et t'adore. Tu es roi, tu es roi, tu es roi. Le monde entier le témoigne. Tu es roi, oui mon roi. Tu es roi, tu es roi, tu es roi. Tu déjà quitté ton trône de gloire pour venir ici-bas. Et pourtant, tu t'es dépouillé de ta couronne et de tous tes attributs pour un pécheur comme moi. Pour un homme de peu de valeur comme moi. Pour moi qui ne suis que poussière. Pour moi qui ne suis qu'un souffle. Pour moi dont la vie a la même durée qu'une fleur. Tu as accepté de donner ta vie. Tu as accepté de mourir à la croix du calvaire. Tu as accepté de te livrer aux hommes pour moi. Quelle grâce, quel amour. Alléluia. Rentrais-je, tout tes bienfaits, Père. Comment te rendrais-je tout ton amour pour moi? Mais comment te rendrais-je tout tes bienfaits, Père? Comment te rendrais-je tout ton l'amour, comment te rendrais-je? Comment te rendrais-je? Tout est bien fait, Père. Je regarde, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Comment te rendrais-je? Tout ton amour. Et je ne vois rien qui a autant de valeur que la valeur du sacrifice que tu as payé pour moi, Seigneur. Comment te du sacrifice que tu as été pour tout moi, Seigneur. Comment te rendrais-je cette bienfaite, Seigneur? Comment te rendrais-je tout ton amour? Oh. Tu as quitté ton trône de gloire pour la terre. Abandonné ta position pour l'homme. Tu as quitté ta royauté pour la terre. Abandonné ta couronne pour moi. Pécheur que j'étais, tu n'as pas hésité. Voleur que j'étais, tu n'as pas hésité. Prostituée que j'étais, tu n'as pas hésité. Menteur que j'étais, tu es venu. Mais comment te rendrais-je? Tout est bien fait. Celui qui détient tout pouvoir, c'est toi. Fils de l'homme, tu l'es. Celui qui détient la vie, c'est toi. Et pourtant, tu as laissé ton trône pour moi. Et pourtant tu as laissé ta gloire de malmener. Pour moi, tu as laissé ta mort arriver pour moi. Oh, comment te rendrai-je? Tout est bien fait, Père. Comment te rendrai-je? Tout ton c'est mon être tout entier, parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse qui sert à te louer et à t'adorer, Seigneur. Et je veux que chaque partie de mon être se dispose à être ce canal que tu utilises. Et je veux mettre ma voix à ton service, Seigneur. Ce n'est pas aussi grande que ce que tu as fait. Mais c'est la plus grande chose que je puisse t'apporter, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors, Père, écoute ceci. Je n'ai que ma voix, cette voix que tu m'as donnée pour t'adorer. Je n'ai que ma voix, cette voix que tu m'as donnée pour t'adorer. Je n'ai que ma voix, cette voix que tu m'as donnée pour t'adorer. Je n'ai que ma voix, cette voix que tu m'as donnée. Je n'ai que ma voix. Je n'ai que ma voix. Cette voix que tu m'as donnée. Je n'ai que ma voix. Je n'ai que ma voix. Cette voix que tu m'as donnée. Je n'ai que ma voix. Je n'ai que ma voix. Cette voix que tu m'as donnée. Ma voix. Ma voix. Ma voix, cette voix, ma voix. Que tu m'as donné pour t'adorer. Je n'ai que ma voix, cette voix que tu m'as donné pour t'adorer. Je n'ai que ma voix, je n'ai que ma voix, je n'ai que ma voix pour pousser des cris de joie. Alléluia. Merci Seigneur. Pour pousser des cris de joie. Pour pousser des cris de joie. Pour pousser en t'acclamant, pour pousser. Pour pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu écoutes ceci, bouge un peu pour la gloire de Dieu là où tu te trouves. Un petit mouvement, juste un petit mouvement pour la gloire de Dieu. Lui seul a le dernier mot. Ils ont parlé pour annoncer ma fin. Ils ont parlé pour annoncer la fin de mon histoire. Parler pour annoncer ma chute. Ils ont parlé pour annoncer ma destruction totale. Mais moi, je sais que tu es là-haut. Oh oui, moi, je sais que tu ne m'abandonneras pas. Mais moi, je sais que tu es là-haut. Oh oui, moi, je sais que tu ne m'abandonneras pas. Hallelujah. soumission totale. Parlez pour annoncer ma chute. Ils ont parlé pour annoncer la fin de mon histoire. Mais moi, je sais que tu es là-haut. Oh oui, moi, je sais que tu ne m'abandonnes jamais. Mais moi, je sais que tu es là-haut. Oh oui, moi, je sais que tu ne m'abandonneras pas. Tu n'as pas dit ton dernier mot, Jésus, oh, mes yeux sont sur toi. Tu n'as pas dit ton dernier mot, oh, Jésus, oh, mes yeux sont sur toi. Non, tu n'as pas dit ton dernier mot, Jésus, oh, mes yeux sont sur toi. Tu n'as pas dit ton dernier mot, oh, Jésus, oh, mes yeux sont sur toi. Tu n'as pas dit ton dernier mot, Jésus, oh, mes yeux sont sur toi. Tu n'as pas dit ton dernier mot, oh, Jésus, oh, mes yeux sont sur toi. Hey, ah, mes yeux sont sur toi. Ah, ah, mes yeux sont sur toi. Ah, ah, ah, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Ah, mes yeux sont sur toi. Chale. Yeah, yeah, yeah. Jamais ta confiance en l'homme, mais place ta confiance en l'Éternel, qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, jamais peut l'accomplir. Et je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas ce qui a été prophétisé sur ta vie, mais je veux te dire que les desseins de Dieu pour toi sont au-dessus de toute malédiction. Au-dessus de toute malédiction. Au-dessus de toute prédiction des hommes. Au-dessus de tout ce qu'ils ont pu organiser contre toi. S'il n'a pas dit c'est fini, c'est que ce n'est pas encore fini. S'il n'a pas dit tout est accompli, c'est qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Garde confiance et dis avec nous ce jour, mes yeux sont sur toi. Ah, mes yeux sont sur toi. Même si je suis malade, mes yeux sont sur toi. Ah, mes yeux sont sur toi. Même si je n'ai pas d'argent, mes yeux sont sur toi. Ah, mes yeux sont sur toi. Même si je suis découragé, mes yeux sont sur toi. Ah, mes yeux sont sur toi. Même si en ce moment même je pleure, mes yeux sont sur toi. Ah, mes yeux sont sur toi. Même si les portes sont fermées devant moi, mes yeux sont sur toi. Ah, mes yeux sont sur toi. Même si tout le monde m'a rejeté, mes yeux sont sur toi. Ah, mes yeux sont sur toi. Je n'ai plus d'amis, je n'ai plus de parents, mes yeux sont sur toi. Ah, mes yeux sont sur toi. Je suis orphelin de père, orphelin de mère, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Malgré la situation de veuvage, mes yeux sont sur toi. Ah, mes yeux sont sur toi. Malgré le chômage, mes yeux sont sur toi. Je continue de croire et de croire et de croire et de croire et de croire en toi, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Je sais que tu peux tout, alors mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je sais que tu peux tout, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je sais que tu peux tout, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je sais que tu vois tout, mes yeux sont sur toi. Je sais que tu m'entends, mes yeux sont fixés sur toi. Ah, je sais que tu m'entends, mes yeux sont fixés sur toi. Ah, mes yeux sont sur toi. Je sais que tu me vois, mes yeux sont sur toi. Ah, mes yeux sont sur tu toi. Ne m'as pas rejeté, tu ne m'as pas abandonné. Ah, mes yeux sont sur toi. Tu es là, toujours à mes côtés. Ah, toujours à mes côtés. Toujours à mes côtés. Ah, mes yeux sont sur toi. vois rien. Même si tout est sombre autour de moi, même si les circonstances veulent me faire croire que tu n'es pas avec moi, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Ni la mort, ni la nudité, ni le rejet, ni le mépris des hommes ne pourront m'empêcher de garder foi et confiance en toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est pourquoi moi et ma maison, nous te servirons, Seigneur. Chaque jour que tu feras, nous allons te servir. Nous allons continuer de nous accrocher de toi. Nous allons continuer de t'adorer. Nous allons continuer de te louer. Continuer de te célébrer. Continuer de te magnifier. Alléluia. En toi seul, Seigneur. Et avec toi seul. Avec toi seul. Nous voulons avancer chaque jour. Alléluia. Hey. On dit souvent que la vie est un choix. Mais combien se sont trompés bien des fois à faire des choix basés sur ce qu'ils voient, laissant libre cours à leurs désirs. On dit souvent que la vie est un choix. Mais combien se sont trompés bien des fois à faire des choix basés sur ce qu'ils voient, laissant libre cours à leurs désirs. Moi j'ai choisi de suivre Jésus, le chemin, la vérité, la vie. En lui je sais que je triompherai. Je l'ai choisi en toute confiance. Levant la tempête se lèveront. Mon Dieu sera toujours avec moi. Levant la tempête se lèveront. Mon Dieu sera toujours avec moi. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Maison, nous servirons l'Éternel. Yeah, hey. On dit souvent que la vie est un choix. Mais combien se sont trompés bien des fois à faire des choix basés sur ce qu'ils voient, laissant libre cours à leurs désirs. On dit souvent que la vie est un choix. Mais combien se sont trompés bien des fois à faire des choix basés sur ce qu'ils voient, laissant libre cours à leurs désirs. Moi j'ai choisi de suivre Jésus, le chemin, la vérité, la vie. En lui je sais que je triompherai. Je l'ai choisi en toute confiance. Le vent, la tempête se lèveront. Mon Dieu sera toujours avec moi. Le vent, la tempête se lèveront. Mon Dieu sera toujours avec moi. Moi et hey, yeah. Ma maison nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison. Pendant qu'il fait jour, servons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons Jésus. Jour et nuit, dans les bons moments et dans les mauvais moments, nous le ferons. Moi et ma maison, nous servirons Jésus. Jour et nuit, dans les bons moments et dans les mauvais moments, nous le suivrons. Servir Jésus, le Seigneur, c'est le choix de ma vie. Oh, oh, oh. Servir Jésus, le Seigneur, c'est le choix de ma vie. Oh, oh, oh. Servir Jésus. sur le Seigneur, c'est le choix de ma vie. Oh, oh, oh. Seigneur,